mairie fait de même, ouais, de même, ouais, de même. Tes copines sont jaloux. Elle voudrait avoir de même, ouais, le même, ouais, le même. Elle voudrait que je la marie. Moi, je pense à la guélar, la guélar, la guélar. Elle voudrait que je la marie. Prends la peine que je développe, développe, développe. Maman l'a noyé. J'crois qu'elle m'a crié. Laisse-moi t'expliquer. Aujourd'hui, on y est. La chambre fait le mot, mais la vérité, dès que tes copines sont trop bonnes, j'en perds mes moyens. Y'aura pas de mécorazon que de petits corps à corps, que du sport jusqu'au lendemain. On ne va pas danser, non, on va pas danser. Elle me prend pour un autre. On va tout recommencer, non, je veux pas renoncer. Deux fois, je suis dégoûtant. Comme personne me salit. Donc toi chérie fais de même, ouais de même, ouais de même. Tes copines sont jaloux. Elle voudrait avoir le même, ouais le même, ouais le même. Elle voudrait que je la marie. Moi je pense à la guélar, la guélar, la guélar. Elle voudrait que je la marie. Prends la peine que je développe, développe, développe. Ouh bah bah bah bah bah. Je devais kiffer 5 minutes et puis je repars pour faire du papier. Ouh bah bah bah bah bah. Y'a des copines, arrêtez de nous jalouser, on va pas se marier. Toi et moi, on fait l'amour, on fait la mala. Toi et moi, que nous deux les autres sont pas là. Ton body me rend fêlé, me rend malade. Mais j'suis pas le genre de mec à faire le canard. C'est pas de l'ego, mais bon, j'veux pas faire de dégâts dans ton corazon. Joue pas ton numéro, reste ton naturel. Et peut-être que je te reste plus longtemps. Comme personne me salit. Donc toi chérie fais de même, ouais de même, ouais de même. Tes copines sont jaloux. Elle voudrait avoir le même, ouais le même, ouais le même. Elle voudrait que je la marie. Moi je pense à la guélar, la guélar, la guélar. Elle voudrait que je la marie. Prends la peine que je développe, développe, développe. Comme personne me salit. Donc toi chérie fais de même, ouais de même, ouais de même. Tes copines sont jaloux. Elle voudrait avoir le même, ouais le même, ouais le même. Comme elle voudrait s'évader, mais on s'emballait. S'évader, mais on s'emballait. Et qu'on s'est salé, oui, on s'emballait. Ce soir, ma chérie, c'est ça l'idée. 50K, game over.